on arrive des dispensés. En s'allumant, évitera de disperser. J'envoie 10 comme lui, en plus sa vie en fuit la nuit. Dans un film à gros budget, mon but c'est d'être le boss. J'attends le boss. Pas mes potos de par la tête, mais qu'est-ce que tu fous? On se dira pas de mal. C'est comme un four, que du pouvoir pour les faibles d'esprit. On est cosy, toi t'es sale, t'es gâte, t'es la prod. T'en as qui pue sa mère folle. Je veux pas d'audi ni ton audi, là je suis focus dans la drogue. Veux pas de dollars dans la merde, veux pas ton nez dans la nerf. C'est pas un polar, connard. Lui c'était mon ami. Hier, aujourd'hui, je t'ai fait porte à l'œil. J'espère qu'elles atteignent le ciel, mon prière. Je peux pas savoir le deuxième décoration, sur mon cercueil. Je compterai jamais sur un fils de fille. Si ça peut plaire, je vais rendre la colère. Liaison, la vie quelque. Amine dans le jeu, c'est que début. Et là, je fais un baby aux pièces. J'ai ses couleurs Hermès, une taille d'une polo Hermès. Pour la mal à la mollet, pour la finish les mollets. Fais des boules du feu à 4h42. Pendant que tu rêves d'Adriana Lima, tu crois t'as le pouvoir parce que t'as un chasse. Ils cherchent des failles comme si c'était un jeu. Bobo, mazo, gorgeuse dans la balle. Ganja dans la poche, ça roule un mal. Ça fait yo, oh. Et dessus, yo, hey. C'est la mission pull up du sud à Guillo, hey. Slice sur la glace, vif comme Sub-Zero, hey, yeah. Tu forces, t'as pris du sucre, zéro, copéro, hey. Ganja, yo, ouah, j'pose mon cœur, j'suis yo, hey. Ganja, yo, ouah, j'pose mon cœur, j'suis yo, hey. J'pose mon cœur, j'suis yo, hey.